Oh non, il y a encore le chien des voisins qui fait pipi chez nous. Faut faire quelque chose, là. Bah, on va quand même pas clôturer tout le jardin, enfin. Et pourquoi pas ? Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comme avec le panneau Cisco à occultation complète à 27,30€ et en stock. C'est ça, un prix dépôt. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Panneau de 180 cm de haut, 180 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur. Installation facile par emboîtement, voire conditions sur bricodépôt.fr. France Culture. Avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Je vous propose de réécouter l'émission du 29 août 2023. Nous posons cette question : la rue est-elle le vrai lieu de la pensée philosophique ? Les philosophes de l'Antiquité, notamment, ont souvent réfléchi à la bonne position à occuper pour eux dans les rues de leur cité. Et puis bien plus tard, dans le sillage des grandes transformations des villes au XIXe siècle, la rue est devenue pour beaucoup d'artistes et de philosophes ceux-là même qu'il leur fallait saisir. Peut-être le lieu même où la pensée trouve son énergie profonde. Walter Benjamin au XXe siècle est sans doute le philosophe qui est allé le plus loin dans cette analyse. J'accueille donc pour ce deuxième épisode de notre série sur la rue, un spécialiste de philosophie antique, professeur à l'Université de Lille. Bonjour Thomas Benatouil. Bonjour Géraldine. Vous êtes en duplex depuis France Bleu Nord, dont je remercie les équipes. Et bonjour Jacques-Olivier Bégaud. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie allemande et d'esthétique à l'Université de Rennes, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Walter Benjamin. Bienvenue à tous les deux. Jeudi 10 mai. Dieu soit loué, il a plu. Une pluie qui a lavé les trottoirs de toutes les ordures qui y traînent. Je fais maintenant la journée continue. Je devrais dire la nuit continue. De 6 heures du soir à 6 heures du matin, même quelquefois jusqu'à 8 heures, et ça 6 jours par semaine, parfois 7. Il faut le faire, mais en tout cas, ça m'occupe. Je me fais dans les 300-350$ par semaine et même plus quelquefois quand je mets le compteur en veilleuse. Il y a toute une faune qui sort la nuit. Butte, chatte en chaleur, enculée, folle, pédée, pourvoyeur, camée. Le vice et le fric. Un jour viendra où une bonne pluie lavera les rues de toutes ces tracailles. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous aurez peut-être reconnu un extrait du film Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976. Le personnage incarné par Robert De Niro rentre de la guerre du Vietnam. Il va mal, il a à l'évidence une colère, une violence même rentrée. Et il s'agace des rues, de tous les marginaux, la racaille, dit-il, qu'il voit dans la rue. On a l'impression qu'il veut un peu tuer tout le monde. Il attend une bonne pluie qui lavera les rues de toute cette racaille, je cite. Jacques-Olivier Bégaud, est-ce que vous pensez que dans l'histoire de la philosophie, et singulièrement chez les penseurs de la rue, Walter Benjamin, dont vous êtes un spécialiste, on retrouve quelque chose de cette violence rentrée, ou au contraire, s'il y a bien une chose qui n'est pas présente, c'est cette colère, cette violence. Il peut y avoir de la critique, mais pas cette violence-là. Alors, je n'irai pas jusqu'à parler de violence ou de pire encore de ressentiment, comme on l'entend dans la voix de Robert De Niro chez quelqu'un comme Benjamin. En revanche, ce qui me semble tout à fait remarquable, c'est que la question de la ville, pour Benjamin comme pour d'autres philosophes qui s'y sont intéressés, je pense en particulier à quelqu'un qui a beaucoup compté pour Benjamin, qui s'appelle Georg Simmel, dans un texte très célèbre sur les grandes villes et la vie de l'esprit. Je vais dire un mot, Georg Simmel, dont nous parlons d'ailleurs pas mal jeudi, est un philosophe, sociologue, essayiste, inclassable, du début, tout des, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et je pense que ce côté inclassable a beaucoup séduit Benjamin dans la figure de Zimal. Et chez l'un comme chez l'autre, il me semble que la ville n'est jamais simplement un objet théorique, si vous voulez. Oui. C'est un objet qui est toujours chargé d'affect, d'émotions, de sentiments, qui suscite l'adhésion, le rejet parfois, l'inquiétude. Et donc c'est sur cette tonalité mixte, si vous voulez, qui distingue la ville des objets philosophiques traditionnels qu'on essaye d'aborder de façon détachée, froide et aussi objective que possible. C'est peut-être ça qui fait le trait d'union entre l'extrait de Taxi Driver que vous avez diffusé et puis des réflexions et des textes plus anciens du début du XXe siècle qu'on trouve sous la plume de Benjamin. Et il y a aussi, chez Benjamin, on va en parler, un rapport justement à ces marginaux qui agacent tant le personnage de Robert De Niro, en tout cas à ce moment-là du film, Taxi Driver, les prostituées, les drogués, les clochards, la rue qui souffre. C'est justement cela que Benjamin considère comme le plus important à regarder et à penser. Vous avez tout à fait raison. Ce qui oppose, pour le coup, Benjamin au personnage incarné par De Niro, c'est qu'il n'a pas du tout cette haine ou ce ressentiment à l'égard de ses vaincus, pour reprendre mot de Benjamin. Au contraire, l'attitude, la démarche de Benjamin est beaucoup plus une démarche qui va essayer de redonner à ces figures anonymes une place sur la scène de l'histoire et sur la scène de la pensée. C'est donc un geste éminemment politique. Nous en parlerons dans le sillage de Baudelaire, qui lui aussi avait une vraie attirance pour des personnages comme la prostituée, le vagabond, le miséreux. Thomas Benatouil, il y a peut-être quand même, si on chemine un petit peu vers la philosophie antique, des figures de philosophes qui marquent une hostilité importante à l'égard de, disons, de la rue, de la foule, de la multitude. Et évidemment, le philosophe auquel on pense immédiatement, c'est Platon. Est-ce que j'exagère ? Non, c'est vrai que, enfin, la position de Platon est paradoxale parce que avant lui, il y a Socrate, et Socrate est souvent présenté comme celui qui, justement, selon un mot fameux de Cicéron, a fait descendre la philosophie du ciel dans la ville, et même dans les maisons. Hein. Et cette idée que Socrate, il détourne la philosophie de la nature pour la mettre en pratique dans la ville, hein, c'est lié au fait que Socrate, il s'intéresse à l'éthique, à la politique, et pas tellement aux questions du cosmos, de la nature. C'est quelque chose qui a transformé la philosophie ancienne. Hein, avant Socrate, les philosophes sont plutôt représentés en lien avec les dieux, en lien avec la nature, les astres, etc. Hein, Socrate, il est dans la ville. Il y a même un passage fameux au début du Phèdre où son interlocuteur se moque de lui en lui disant mais Socrate, t'es comme un touriste là, dès que tu sors des murs de la ville, tu sais plus où t'es. Et donc Socrate, il est tout content de voir que c'est super d'être à la campagne, il y a des cigales, on peut se mettre sous un arbre. Et Phèdre lui dit mais Socrate, t'es jamais venu ici là, on est bon. Et Socrate, il dit bah moi j'aime bien m'instruire et les plantes et les arbres n'ont rien à m'apprendre, alors que les hommes dans la ville, c'est d'eux que je peux apprendre des choses. Mais donc, c'est bizarre ce que vous dites. Enfin, c'est intéressant parce que c'est Platon qui écrit cela. Or, il se réfère à Socrate, c'est quand même un modèle pour lui. Mais il est très clair que sur ce point, c'est un anti-modèle? Socrate a cet aspect, hein, et qui est, bon, il le revendique dans certains textes. Bon, il a rien écrit lui-même, donc c'est toujours à travers des gens qui l'ont connu. Et Platon, en fait, doit se positionner par rapport à cette nouveauté de Socrate. Et vous n'êtes pas sans savoir que Socrate, son rapport avec la ville d'Athènes a assez mal terminé. Hein, donc il est exécuté en exécution. Et donc Platon, en 399 avant Jésus-Christ. Et donc Platon, pour lui, il doit en quelque sorte, comment dire, adapter sa position philosophique à cette situation de, il est l'élève du philosophe qui a fait descendre la philosophie dans la ville. Lui-même pense que effectivement la philosophie doit penser, en particulier l'organisation de la ville, des questions éthiques et politiques sont toujours centrales pour lui. Mais en même temps, la ville n'est pas n'importe quelle ville. Athènes, la ville démocratique, a tuer Socrate. Donc il faut redessiner une nouvelle image du philosophe qui ne revient pas strictement à au modèle du philosophe de la nature qui se tient complètement à l'écart de la cité, et en même temps le modèle de Socrate, la mouche du coche qui parle aux gens dans la rue et leur montre qu'ils ne vivent pas de la manière dont ils prétendent vivre, qu'ils ne sont pas fidèles à leurs valeurs. Ça, selon Platon, ça ne marche pas. Et donc, Platon dessine des figures ambiguës. Et d'ailleurs, ça se voit dans le fait qu'il représente rarement Socrate comme justement sur la place publique en train de discuter avec n'importe qui. Hein. Si on regarde les dialogues de Platon, on voit que ça arrive rarement. Et même quand il est sur la place publique, il dit « Ah, mais c'est Hippocrate là qui m'a obligé à rester sur l'agora. » Bon, oui. Et on voit que c'est quelque chose qui, pour Platon, hein, dans les dialogues de Platon, le plus souvent Socrate est chez des gens, dans des espaces privés, il discute avec des gens de la bonne société, etc. Mmh. Le modèle de Socrate qui se promène dans la rue en discutant avec n'importe qui, on le voit pas vraiment, hein, chez Platon. Et dans certains textes, les textes qui vont le plus loin. En particulier, un texte connu, très connu dans l'Antiquité qui s'appelle la Digression du Théétète. On y vient. Platon met dans la bouche de Socrate une description du philosophe qui, pour le coup, est complètement hostile et à distance de la ville. Eh bien, je vous propose qu'on entende cet extrait que vous évoquez dans le Théétète de Platon. Il est lu par Anna Fulpin de l'équipe d'Avec Philosophie. Les vrais philosophes, depuis leur jeunesse, ne savent sans doute pas le chemin de l'agora, ni où est le tribunal ou le siège du conseil, ou tout autre lieu de réunion publique de la cité. Les lois et les décrets, proclamés ou écrits, ils ne les voient ni ne les entendent. Les campagnes des partis pour une magistrature, leurs réunions, leurs banquets, leurs fêtes avec des joueuses de flûte, il ne leur vient pas à l'esprit, même en rêve, d'y participer. Et si quelque chose de bien ou mal arrive dans la cité, ou si quelqu'un a hérité d'un mal de ses ancêtres, soit par les hommes, soit par les femmes, il en a encore moins connaissance que du nombre de pintes, comme on dit, contenues dans la mer. Et tout cela, il ne sait même pas qu'il ne le sait pas. Car ce n'est pas pour se faire une réputation qu'il se tient éloigné de ces choses, mais du fait qu'en réalité, son corps seul gît dans la cité et y réside. Alors que sa pensée, tenant toutes ces choses pour des broutilles et même pour rien, vole avec dédain dans toutes les directions, mesurant en géomètre les profondeurs de la terre, comme dit Pindare, et ses surfaces, observant en astronome au-delà du ciel, et explorant en tous sens l'ensemble des natures des êtres chacun pris dans sa totalité, ne s'abaissant vers rien de ce qui est proche de lui. Thomas Benatouil, dans ce texte, ce qui est frappant, c'est que la figure du philosophe, pour Platon, est complètement opposé, notamment à une autre figure qui est l'artiste, les danseuses de flûte, par exemple. Mais le philosophe platonicien doit s'écarter d'un lieu où, pour le coup, les artistes se trouvent bien plus à l'aise. Oui, dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est tous les aspects de la vie. De la vie urbaine qui sont mises à distance, c'est-à-dire on commence par le côté politique, hein, il ignore les lois, il ignore, donc là on voit bien que c'est la vie démocratique de la cité. Dans d'autres passages de la digression, il est beaucoup question des tribunaux, hein, donc là on a les échos du procès de Socrate, etc. Ça, à la limite, c'est bien connu, hein, l'éloignement à l'égard de la vie démocratique, parce que pour des raisons politiques et philosophiques, Platon était hostile au fonctionnement de la démocratie. Mais dans ce passage, ça va beaucoup plus loin. Hein. C'est-à-dire que non seulement il ne participe pas à ça, il ne comprend pas comment ça fonctionne, mais il ne participe à aucune des activités sociales qui sont, je sais pas comment dire, liées à la vie politique. Et en plus, il ne connaît même pas ses voisins. Hein. Il y a un autre passage où il est dit que le philosophe ne sait même pas si ses voisins sont des hommes ou des animaux. Hein? Donc il y a cette espèce d'isolement total et cette idée que seul son corps réside dans la cité et que en fait son âme plane hein, à des années-lumière, on dirait aujourd'hui au-dessus, hein. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup penser à ce texte. Je me suis toujours demandé si dans l'Albatros de Baudelaire, Baudelaire connaissait ce passage, parce que ça ressemble beaucoup, hein, parce que l'autre aspect sur lequel insiste ce passage et d'autres dans la digression, c'est que le philosophe, il est maladroit dans la ville. Il sait pas s'y prendre. C'est pas seulement qu'en fait, il est méprisant, hostile et éloigné. Oui. Comme l'étaient peut-être déjà certains philosophes bien avant Socrate, c'est qu'en plus il y comprend rien, et quand il essaye de faire, c'est une catastrophe. Oui. Il se prend les pieds dans le tapis, etc. Et donc là, ça, c'est exactement le modèle de l'Albatros de Baudelaire, hein. Bon, alors, voilà. Oui. Donc, en même temps, c'est très troublant puisque Platon met cette analyse dans la bouche de Socrate. Or, vous l'avez très bien dit, Socrate n'avait pas ce rapport hostile, méfiant aux rues de sa cité. Donc ça, c'est tout le génie de Platon. Hein. Socrate, C'est au point que, en fait, beaucoup d'interprètes contemporains, dans l'Antiquité, tout le monde prend au sérieux cette description du philosophe. En tout cas, beaucoup d'interprètes contemporains se sont demandé si cette description n'était pas du coup ironique ou critique. Parce que certains interprètes se disent, c'est quand même... Alors, à la fois, je pense, personnellement, je pense que c'est une erreur de perspective et que, comme nous, on a plus de sympathie ou d'affinité en termes de valeurs, etc., avec la position de Socrate... On est un peu gêné par cette position du philosophe décrit par Platon, et donc on aimerait bien que Platon ne le défende pas. Bon, mais moi je pense que l'idée que ce serait ironique, mais beaucoup d'interprètes ont attiré l'attention sur certains aspects de cette description en disant c'est pas possible que Platon approuve cette attitude. Il est en train de décrire un philosophe qui n'est pas en fait celui qui l'approuve. Alors Jacques-Olivier Bégaud, la référence à l'Albatros de Baudelaire vient d'être donnée par Thomas Benatouil, et c'est vrai que dans ce texte moderne, Baudelaire montre un artiste, pour le coup, un poète, qui est très mal à l'aise dans la ville. Mais est-ce que on peut réduire la réflexion de Baudelaire à cette figure, la réflexion de Baudelaire, notamment sur l'artiste et au rapport de l'artiste à la rue? Alors je crois que la réflexion sur le statut de l'artiste et du poète en particulier, c'est une question qui a hanté Baudelaire pendant tout au long de son œuvre. Et on trouve effectivement cette figure de l'Albatros qui renvoie à une certaine idée du poète maudit, mm-hmm. Qui serait finalement voué à être la risée du reste de la société et condamné à un statut marginal. Mais il y a d'autres textes, me semble-t-il, dans lesquels Baudelaire, lorsqu'il réfléchit par exemple sur la figure de cet artiste dont il ne donne pas le nom mais seulement l'initiale, mais dont on sait qu'il était connu de Baudelaire, Constantin Guy, oui. Monsieur G, lorsque Baudelaire réfléchit sur le peintre de la vie moderne, il décrit une physionomie d'artiste, en l'occurrence donc un dessinateur qui est à l'affût des moindres caractéristiques de la vie moderne. Je me permets de lire un extrait de ce texte très important de 1863, le peintre de la vie moderne, paru dans le Figaro, dans la presse, donc c'est pas rien non plus, dans la ville, dans la rue moderne, la presse. Et Baudelaire va véritablement construire un concept de modernité, d'attitude de modernité en art. Je crois qu'il n'y a que Balzac qui a employé ce mot avant lui. Et là, il en fait un vrai concept. Et la modernité en art, c'est de mettre fin à l'idée que l'artiste travaille dans un lieu séparé de la rue et de la foule. Au contraire, c'est dans la multitude que l'artiste moderne doit trouver le point de départ de son travail. Et Baudelaire écrit, il s'agit de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire. Jacques-Olivier Bégaud. Je voulais rebondir sur cette précision que vous avez donnée et que je crois absolument cruciale, qui est que le poète au XIXe siècle, c'est vrai aussi bien sûr du romancier qui était Balzac, c'est quelqu'un qui doit vivre aussi de sa plume et qui donc doit connaître les moyens de placer ses textes. Et Benjamin est très attentif dans son travail sur Baudelaire à toutes les manipulations, manœuvres et autres stratégies que le poète des Fleurs du Mal a déployer pour pouvoir obtenir que tel poème soit publié dans telle revue, pour mettre en concurrence parfois aussi différents organes de presse et se vendre parfois au plus offrant. Il y a donc là, si vous voulez, un ensemble de conditions matérielles, économiques, qui pèsent sur la pratique artistique et qui sont peut-être des données nouvelles par rapport à d'autres formes de statut de l'artiste. Le point qui m'intéresse là, pour commencer, c'est que là, on parle de Baudelaire qui, lui, parle d'un aquarelliste, Constantin Guy, d'un artiste et des artistes. Il ne parle pas directement du philosophe. Benjamin, vous allez nous l'expliquer, va donner au fond au philosophe le même projet de s'approcher de la rue et de se nourrir d'elle. Mais c'est quelque chose qui n'est peut-être pas déjà aussi clair chez Baudelaire. En revanche, si on se retourne vers les anciens, Thomas Benatouil, je reviens à une question que je vous ai posée tout à l'heure. Le philosophe, pour Platon par exemple, c'est sûr qu'il ne doit pas prendre pour modèle l'artiste. L'artiste est peut-être dans la rue, Baudelaire le dira plusieurs siècles après. Platon, d'une certaine façon, le pensait aussi. Mais tout cela, il y est hostile pour ce qui concerne le philosophe. Oui, et puis dans le cas de Platon, la distance à l'artiste est liée aussi à son implication dans la vie politique, dans la vie sociale. Bon, l'artiste pour Platon, c'est les poètes, et les poètes ils écrivent des pièces de théâtre qui ont un lien étroit avec l'entretien et la diffusion des valeurs de la cité, donc oui, effectivement, là il y a une distance importante, même si d'une certaine manière, et Platon le fait explicitement, en tant que philosophe politique, en tant que réfléchissant sur la vie de la ville et sur son organisation, il prétend, et en réfléchissant et proposant une nouvelle organisation, il prétend faire un travail de poète. Il dit, c'est nous les philosophes qui allons proposer des nouvelles constitutions. Nous sommes les vrais poètes. Donc bon, il y a ce rapport, mais ça c'est toute la question de la philosophie politique. Bon, je ne sais pas la question qui nous occupe aujourd'hui. Là, on parle mais de c'est la position dans la cité. Oui, ouais. En tout cas, c'est une position qui reste éminemment critique, avec l'idée qu'il y a un lieu que le philosophe a en lui, il peut se dégager toujours de la rue. Je voudrais vous demander, Thomas Benatouil, si on ne retrouve pas la même chose, même si il n'est pas comparable à Platon, chez Diogène le cynique, Diogène de Sinope, qui a à peu près une quinzaine d'années de moins que Platon, et qui est dans la rue, dans un tonneau. Mais c'est pour insulter pas mal de monde, comme nous l'a appris l'historien Diogène Laërce. Il adorait dire aux gens « Ah, vous venez vers moi, vous avez envie d'écouter des niaiseries, vous croyez que je vais participer à cette bêtise de la rue ?» C'est un peu pareil chez Diogène de Sinope, Thomas Benatouil. Oui, c'est une question vraiment intéressante, parce qu'il y a à la fois, je pense que... En tant que historien de la philosophie ancienne, je pense que c'est important d'insister sur la diversité des positions. Il n'y a pas une espèce de position unique du philosophe grec à l'égard de la rue ou sur n'importe quel sujet. Et donc là, on peut insister sur les oppositions entre Platon et Diogène. C'est tous les deux, disons, des héritiers de Socrate. Diogène n'est pas directement un élève de Socrate, mais il a hérité d'un philosophe qui s'appelle Antisthène et qui était l'un des plus anciens disciples de Socrate. Et dans certains fragments, on attribue à Diogène l'idée qu'il aurait été éduqué par Antisthène parce que, dit-il, il m'a fait vivre en guenille et hors de ma maison. Mm-hmm. Et donc, dans la rue. C'est lui qui m'a mis dans la rue, en quelque sorte. Bon. Mais... Et donc, c'est vrai que Diogène... il est dans la rue, là où, un peu comme disait Socrate, là où il peut non pas tellement s'instruire, mais instruire les autres, c'est-à-dire au contact des citadins, au contact y compris justement du vice, et pour le blâmer, pour instruire les hommes, et là aussi il y a une phrase attribuée à Antisthène où on lui aurait reproché de fréquenter les scélérats, et Antisthène aurait dit Oui, comme les médecins, hein, et on ne leur reproche pas qu'ils fréquentent les malades, et pourtant ils ne sont pas malades eux-mêmes. Hein. Bon, bah, ça donc dit là, tout quand même sur le. Mais vous voyez la différence avec le philosophe qu'on a vu tout à l'heure décrit par Platon. Oui. C'est que là, c'est une philosophie au contact. De la rue. Mais hein. Rude, hein. Le contact est rude. Hein. Oui, le contact est rude. Et là où, alors, on pourrait imaginer que c'est un contact uniquement critique. Agressif et de fait bon il y a des tas d'exemples où il agresse les gens autour de lui pour leur comportement, il y a une sorte de satire de la vie de la cité hein, et d'ailleurs ça le cynisme inspirera le style de la satire hein, où on représente les vices de la grande ville oui. Hein, bon voilà mais en même temps hein, il y a vraiment un rapport donc cette position satirique critique, cette position de médecin ou d'éducateur évidemment elle maintient une distance même si on est au contact. Mais d'un autre côté, hein, il y a d'autres aspects de Diogène hein, qui montrent que ce contact est étroit. Il y a tout le côté chez Diogène le cynique de la mendicité, hein. Le fait que il mendie le rend d'une certaine manière dépendant de la cité. Hein. Donc et, quand même, si donc, je vous suis Thomas Benatouille, la figure du mendiant, hein, qui est très importante aussi plus tard chez Baudelaire, chez Benjamin, ouais. Est déjà un petit peu travaillée par Diogène dit le cynique, Diogène ah bah là, du oui, Sinope. Il s'identifie au mendiant ouais. Et il revendique cette position. Et c'est d'ailleurs paradoxal, hein, parce que il revendique son autonomie, son autarcie, hein, le fait de vivre libre, sans justement la fameuse idée de cosmopolitique, c'est-à-dire citoyen du monde, il a pas de cité. Donc il y a cette espèce d'extériorité, hein, et en même temps, il vit aux dépens de des autres, etc. Hein, et ce paradoxe n'est jamais résolu. Oui. C'est tout le paradoxe aussi du chien hein, quand on lui dit bon il se comporte en public sur la place publique dans les rues etc. Il a des actions qu'il devrait normalement avoir en privé chez lui hein, il mange oui, oui. Et puis ça va beaucoup plus loin et donc on lui dit tu es comme un chien et lui il dit c'est vous les chiens parce que vous oui. Vous vous regroupez autour de moi dès que vous me voyez hein. Alors donc, fonction critique du philosophe même s'il est présent dans la rue toute cette ambivalence va être retravaillée par les modernes et donc une des questions qu'on va se poser c'est de savoir s'il n'y a quand même pas une forte rupture, là, même à l'égard d'un personnage aussi riche que Diogène de Sinope. On va parler donc de Walter Benjamin, qui arrive là dans le sillage de Baudelaire, mais aussi d'Edgar Allan Poe. Nous allons en parler. Je précise que cette émission est consacrée à la rue, puisque c'est notre thème de la semaine. La rue est-elle le vrai lieu de la pensée philosophique? Et j'ai le bonheur de dialoguer avec Thomas Benatouille et Jacques-Olivier Bégaud. Entrée en matière sur Benjamin, écoutez cet extrait de L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche. Quand on arrive dans une ville, on voit des rues en perspective, des suites de bâtiments vides de sens. Tout est inconnu, vierge. Cahier. Carrière des escudillères blancs. Perdona. Ah, ok. Bien, bien. Me parece que está al fondo a la derecha. Todo recto. ¿Usted sigue recto? Ahí. Sí, para abajo. Ah, ¿vale? De acuerdo, gracias. Voilà, plus tard on aura habité cette ville. On aura marché dans ses rues. On aura été au bout des perspectives. On aura connu ses bâtiments. On aura vécu des histoires avec des gens. Quand on aura vécu dans cette ville, cette rue, on l'aura pris 10, 20, 1000 fois. 10, 20, 1000 fois. Urquinaona. Pase de gracia. Laietana. Au bout d'un moment, tout ça vous appartient parce qu'on y a vécu. C'est ce qui allait m'arriver. Et je ne savais pas encore. Urquinaona. Ce truc qui sonnait vaguement sous s'est ajouté à la longue liste de noms, autrefois bizarres, qu'on traîne quelque part dans un coin du cerveau. Urquinaona s'est doucement glissé à côté de Mouffetard, de Bondoufle, de Ponto Combo, de Maran l'Enhurepoix, de Mandelieu la Napoule et de Knock le Zout. Il est devenu normal et familier. L'acteur ici est bien sûr Romain Duris, dans ce film L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche de 2002, avec une véritable poésie des noms de rues que décline là Clapiche à ce moment-là qu'il a découvert de Barcelone par son jeune personnage. J'ai envie de faire le rapprochement immédiat avec un texte de Walter Benjamin de 1928, Sens unique. Vous allez nous éclairer, Jacques-Olivier Bégaud, sur ce texte. Benjamin dit qu'il faut s'égarer dans une ville comme on s'égare dans une forêt. Et alors, le nom des rues parle à celui qui s'égare, le langage des rameaux secs qui craquent, et les petites rues au cœur de la ville vont pour lui refléter les heures du jour aussi nettement qu'un vallon de montagne. C'est magnifique, Jacques-Olivier Bégaud. Il faut se perdre dans la ville comme dans un paysage qui s'invente. C'est en tout cas comme ça que Benjamin, je pense, a imaginé donc ce livre Sens unique qu'il publie en 1928 et qui est peut-être un peu méconnu, mais que je tiens pour un des textes essentiels des avant-gardes européennes de l'entre-deux-guerres du XXe siècle. Ce qui résonne très fort avec l'extrait de l'Auberge espagnole que vous avez diffusé, c'est cette dimension de kaléidoscope. La ville, c'est bien sûr une expérience visuelle, il est question de perspective, de tracé auquel l'œil doit s'habituer, mais c'est aussi un ensemble d'impressions sonores. Il y a des noms, des mots qu'il faut apprendre aussi à connaître et qu'il faut à certains égards apprivoiser. Et donc, je crois que cette dimension, si vous voulez, il y a deux mots que j'ai qui ont tout de suite retenu mon attention dans l'extrait. Il y a le mot d'expérience et le mot de vécu. Je pense que pour Benjamin, si vous voulez, la ville a été, c'est une formule qu'il emprunte à Breton, un champ d'expérience extrêmement fort, extrêmement intense, mais ce que Benjamin a médité aussi, si je peux introduire cette espèce de petit pli dialectique, c'est que l'expérience urbaine moderne, c'était l'expérience de quelque chose qui venait menacer la possibilité même de l'expérience. Il a parlé il a appelé ça un appauvrissement de l'expérience, comme si finalement nous étions tellement saturés d'impressions et de sensations, de ce qu'il a appelé des chocs, comme si cette sur-saturation rendait toute véritable expérience impossible. Et Romain Duris, le personnage incarné par Romain Duris, dit « Plus tard, on aura habité. Il faut donc apprendre la ville. » Alors on va revenir, parce que du coup ça signifie que le flâneur, on va revenir là-dessus, le flâneur baudelairien est quand même regardé par Benjamin avec un peu d'ambivalence. Il ne réussit pas vraiment à faire ce qu'il veut faire. Enfin, on va revenir à cette question de la perte et de l'échec au cœur même de la flânerie benjaminienne, pour le coup. Mais je voudrais juste qu'on dise quelques mots de Benjamin, qui il était et son rapport à Paris. Benjamin est né en 1892 à Berlin. Il mourra en 1940 à Portbou, en Catalogne, en essayant, à un moment où il essaye de passer en Espagne. Très jeune homme, il a rencontré Baudelaire, si j'ose dire. En 1914 déjà, il lisait Baudelaire avec passion. Il mettra 10 ans ensuite à le traduire. Il a traduit Baudelaire comme il a traduit Proust, on ne le sait pas toujours. Et dans les années 20, il fait un premier voyage à Paris. Déjà là, il décide d'avoir un projet sur les passages parisiens, ces petits lieux, nous allons en parler. Et il retournera à Paris à partir de 1926. Et il y retournera ensuite, évidemment, en 1933, lorsqu'il s'exilera à Paris. L'affaire des rues, la question des rues, c'est Berlin. Au début pour Benjamin, mais ensuite c'est surtout Paris. Alors c'est d'abord Berlin, c'est très important, et je voudrais juste donner un chiffre qui est très éloquent. 20 ans avant la naissance de Benjamin, donc à la fin de la guerre franco-prussienne en 1871, il y a 800 000 habitants à Berlin. En 1914, au moment où Benjamin donc a une vingtaine d'années, Berlin compte 4 millions d'habitants. Donc la population de Berlin, en l'espace de 40 ans, a été multipliée par 5, ce qui est absolument considérable. Donc je pense que déjà pour Benjamin, l'expérience de Berlin, ça a été l'expérience d'un développement urbain, d'une transformation des formes de l'expérience, du rapport au temps, du rapport à l'espace dans la ville, qui a beaucoup compté. Ensuite, bien sûr, la ville de Paris va, pour des raisons qui, comme vous l'avez rappelé, sont en partie contraintes par l'histoire et par ce qui arrive en Allemagne en 1933, mais c'est Paris qui va devenir vraiment le centre et le cœur du travail de Benjamin. Et outre Baudelaire, je pense qu'il y a d'autres intercesseurs qui ont beaucoup compté pour Benjamin, qui sont les surréalistes. Oui, vous en avez déjà parlé en citant André Breton. J'ai cité Breton. C'était peut-être parce qu'ils avaient le sens du choc. La modernité était un ensemble de chocs pour eux, c'est cela? Ils avaient le sens du choc. Et il y a une autre figure dans le mouvement surréaliste des premières années qui compte beaucoup pour Benjamin, c'est Louis Aragon, oui. L'auteur du Paysan de Paris, oui. Que Benjamin lit avec une telle intensité que, dit-il, il ne pouvait pas lire plus de quelques pages, tellement le texte d'Aragon lui faisait battre le cœur. Il était obligé de poser le livre au bout, oui, de quelques pages. Et le Paysan de Paris d'Aragon s'ouvre sur une évocation du passage de l'opéra qui se trouve au début des années 20 en train d'être démoli. Et je pense que donc on a là peut-être pas le seul déclic, mais en tout cas une des choses qui vont conduire Benjamin à s'intéresser à cette innovation architecturale qu'ont été au début du 19e siècle les passages couverts dont il subsiste encore quelques vestiges au cœur de Paris. Alors je voudrais que maintenant qu'on parle de cette ambivalence de la flânerie pour Benjamin, il parle d'ivresse, d'ailleurs c'est le mot de Baudelaire, il y a de l'ivresse dans la flânerie, mais cette ivresse elle est aussi le signe d'une petite part d'aliénation, c'est un peu la figure du badaud dans les grands magasins qui se ivre de cette modernité, envahit et finalement représentant du capitalisme lui-même, séduit. Et donc chez Benjamin, tout cela est d'emblée très complexe, parce que pourquoi le flâneur serait-il un modèle s'il est si impur, dirais-je. Je voudrais qu'on écoute, pour attaquer ce problème, un extrait de Benjamin dans Paris capitale du 19e siècle. En réalité, ce gros volume établi par Jean Lacoste comporte plusieurs textes, et notamment les divers exposés que Benjamin a écrit sur son projet de livres sur les passages. Il s'agit de son exposé de 1939. On l'écoute. Le génie de Baudelaire, qui trouve sa nourriture dans la mélancolie, est un génie allégorique. Pour la première fois chez Baudelaire, Paris devient objet de poésie lyrique. Cette poésie locale est à l'encontre de toute poésie de terroir. Le regard que le génie allégorique plonge dans la ville trahit bien plutôt le sentiment d'une profonde aliénation. C'est là le regard d'un flâneur, dont le genre de vie dissimule derrière un mirage bienfaisant la détresse des habitants futurs de nos métropoles. Le flâneur cherche un refuge dans la foule. La foule est le voile à travers lequel la ville familière se meut pour le flâneur, en fantasmagorie. Cette fantasmagorie, où elle apparaît tantôt comme un paysage, tantôt comme une chambre, semble avoir inspiré par la suite le décor des grands magasins, qui mettent ainsi la flânerie même au service de leur chiffre d'affaires. Quoi qu'il en soit, les grands magasins sont les derniers parages de la flânerie. Dans la personne du flâneur, l'intelligence se familiarise avec le marché. Elle s'y rend, croyant y faire un tour. En fait, c'est déjà pour trouver preneur. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Vous venez d'entendre un texte de Walter Benjamin qui évoque Baudelaire et qui parle de Paris. C'est un texte important dans ce grand chantier qui est resté le livre des passages qu'il a écrit un petit peu tout au long de sa vie, hein, et qui est resté inachevé. C'est troublant parce que le flâneur est quand même dénoncé là comme un peu aliéné, otage de la modernité. Vous pourriez nous aider à comprendre cet aspect un peu critique, Jacques-Olivier Bégaud? Oui, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir choisi de diffuser la version de ce texte que Benjamin a écrite lui-même en français. On entend, c'est toujours très émouvant d'entendre le français que Benjamin a perfectionné tout au long de ces années passées à Paris. Et donc, peut-être qu'il faut, avant d'expliquer pourquoi la figure du flâneur se charge d'ambivalence, rappeler d'un mot ce qui a pu d'abord lui donner une coloration plus positive. Dans la flânerie, bien sûr, ce qu'on peut être tenté de valoriser, c'est le refus peut-être de marcher du même pas que tout le monde. C'est-à-dire que le flâneur, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui déambule dans la ville sans forcément avoir de but défini, qui ne soumet pas sa déambulation à un impératif d'efficacité, qui n'a pas le regard en permanence rivé sur sa montre pour être à l'heure à son rendez-vous. C'est quelqu'un qui se donne le temps. Et Benjamin rapporte que dans les années 1840, en particulier, une mode était apparue dans les passages où donc des flâneurs promenaient comme en guise d'animal domestique des tortues. Oui. Donc pour Benjamin, ce côté un peu fantaisiste de la flânerie, bon, évidemment pour l'artiste baudelairien, c'est très important, c'est créateur et créatif. Mais pour le philosophe, on dit mais c'est quoi ce modèle ? Et notamment, il y a un autre passage très intéressant dans les écrits sur Baudelaire des années 38-39 de Benjamin, où il compare le flâneur à un bourgeois. Il dit « La rue devient un appartement pour le flâneur qui est chez lui entre les façades des immeubles comme le bourgeois entre ses quatre murs. » C'est un anti-modèle pour le philosophe, ça. En ce sens, c'est tout à fait un anti-modèle. C'est, si vous voulez, l'autre versant de ce que j'essayais de décrire d'abord sur le côté positif. Pour Benjamin, finalement, la limite du flâneur, c'est qu'il est tout aussi aliéné que les dominants. Et donc, il se laisse totalement ensorcelé par ce que Benjamin appelle ici la fantasmagorie, qui est en dernière instance la fantasmagorie de la marchandise. Est-ce que ça veut dire que pour Benjamin, la philosophie commence par une certaine expérience, je sais qu'il faut mettre ce mot entre guillemets, une certaine expérience de l'aliénation. Et c'est de là qu'on part, on est envahi par la ville, par le capitalisme. La pensée critique part de là, elle n'a pas de lieu mental autonome, séparé d'emblée. Alors vous introduisiez tout à l'heure l'idée d'une rupture que marquerait la modernité. Je pense que pour Benjamin, la rupture, le 19e siècle, c'est le siècle où le capitalisme prend son essor. Et donc l'idée qu'il y aurait un espace préservé pour la pensée, c'est effectivement quelque chose qui est battu en brèche par le fait que nous naissons dans la rue, nous sommes jetés dans la ville, et la ville, c'est l'espace dans lequel se déploie finalement cette fascination. Et c'est de là qu'on part, et la critique doit ensuite trouver des brèches, des percées. Thomas Benatoui, je voulais vous demander, parce que ce n'est pas là la grande différence avec les anciens? Tous, mine de rien, Diogène le cynique, Platon, on pourrait dire d'autres encore, pensent qu'il y a un vrai lieu mental pour la philosophie séparée. Alors après, elle peut aller à la rencontre de la rue, au contact, ou pas, on discute, mais cette certitude, elle existe chez les anciens, elle vacille complètement avec la modernité. Je ne sais pas si c'est la question du lieu mental, mais il y a une remarque de Benjamin à propos du poème liminaire des fleurs du mal, lecteur, mon semblable, mon frère, il fait remarquer que la différence entre les fleurs du mal et la poésie satirique, il pense à Juvénal. Donc Juvénal, c'est la poésie satirique dont je parlais tout à l'heure, c'est le portrait de la grande ville, donc la Rome lupanar. Hein, on décrit les vices qui règnent partout. Là, ça fait un peu penser à l'extrait de Taxi Driver qu'on a vu au début, espèce de caricature de la ville où règne le vice, le stupre, la corruption, hein. Mais Benjamin fait remarquer que la grande différence de Baudelaire, c'est que lui, il s'inclut toujours dans le tableau du vice. Alors que le poète satirique, hein, il est dans cette position critique qu'on a vu chez Diogène, qu'on a vu chez d'autres. Il se distancie, hein, que ce soit bon. Et donc effectivement, là, sans doute qu'il y a une différence importante, qui est que tous les philosophes antiques dont on a parlé, ou même certains dont on n'a pas parlé, qui Sénèque, qui ne veulent pas manifester leur distance à l'égard du peuple, etc., hein, maintiennent quand même le principe d'une supériorité. Oui, et d'un lieu pour le philosophe intérieur. Soit une supériorité intérieure, soit une supériorité qui peut avoir d'autres principes. Hein. On pourrait détailler, mais c'est vrai que on a l'impression là dans le cas de Baudelaire, en tout cas, c'est ce que dit Benjamin à propos des fleurs du mal, que pour le coup, le poète, s'inclut lui-même dans le vice. Alors, je vais lire moi-même un extrait de Baudelaire qui parle de la création littéraire. Baudelaire disait de Lamartine qu'il était un peu catin, un peu prostitué, c'est-à-dire que qu'il marchait quand même au marché, si je puis dire. Et lui-même, Baudelaire, disait dans La Muse Vénale qu'il était comme une fille des rues, moi qui vends ma pensée et qui veux être auteur. L'artiste est aliéné, il l'est et il part de cette condition. De la prostituée est quand même une figure éminente et intéressante. Et Benjamin va la reprendre pour le philosophe, alors ? Tout à fait. Et je pense, si vous voulez, que la question se transforme et elle devient de savoir, pour prendre une des images auxquelles Benjamin a souvent recours, la question devient de savoir comment se réveiller. Nous vivons dans une espèce de oui. monde somnambulique dans lequel... Alors comment ? Alors la question, c'est toute la question pour Benjamin de savoir dans comment, par exemple, quelqu'un comme Baudelaire va essayer, vous citiez tout à l'heure le peintre de la vie moderne, d'arracher au transitoire quelque chose oui. qui ne sera pas emporté par le flux. Comment trouver, c'est l'enjeu de l'écriture surréaliste pour Benjamin, les conditions de ce qu'il appelle à ce moment-là une illumination profane. Donc pas une expérience religieuse et un sauvetage, du sacré. C'est pas aussi comme cela. Il faut sauver de la modernité aliénante quelque chose. Arracher quelque chose qui puisse ne pas être repris aussitôt dans ce flux de la circulation des marchandises, dans la succession des fantasmagories, dans l'éternel retour de la mode, par exemple. Oui. Essayer donc de recréer à l'intérieur de cet espace les conditions d'une expérience qui tienne. Et les prostituées, les malheureux, les vagabonds, les chiffonniers, personnages importants pour Benjamin, sont les plus dominés. C'est de là qu'il faut un peu partir et essayer de trouver une brèche qu'on pourrait appeler peut-être l'émancipation ? Oui, parce que les chiffonniers, par exemple, figure à laquelle Baudelaire a été bien sûr sensible et que Benjamin, à son tour, souligne, les chiffonniers sont ceux qui sont, du fait même de leur condition extrêmement miséreuse, les mieux placés pour voir, finalement, tout ce que Benjamin appelle le rebut, tous les déchets que produit ce système économique qui, finalement, fonctionne sur la destruction. Alors, il y a une autre figure très importante, déjà pour Baudelaire, je crois, et ensuite pour Benjamin, je voudrais qu'on en parle dans ce dernier moment de l'émission, c'est Edgar Allan Poe, né poète, romancier, journaliste, auteur de nouvelles, américain, né en 1809, né en 1849, qui a écrit beaucoup de choses sur la ville, et notamment une nouvelle parue en 1840, L'homme des foules, et c'est intéressant parce qu'il va reprendre cette expression Baudelaire dans son fameux texte de 1863, Le peintre de la vie moderne. L'artiste doit être un homme des foules, peut-être le philosophe aussi doit-il l'être. Je vous propose d'écouter un extrait de L'homme des foules de Edgar Allan Poe, lu par Anna Feulpin. Il n'y a pas longtemps, sur la fin d'un soir d'automne, j'étais assis devant la grande fenêtre cintrée du Café D à Londres. Pendant quelques mois, j'avais été malade, mais j'étais alors convalescent. Et la force me revenant, je me trouvais dans une de ces heureuses dispositions qui sont précisément le contraire de l'ennui. Disposition où l'appétence morale est merveilleusement aiguisée, où l'esprit électrisé dépasse aussi prodigieusement sa puissance journalière. Respirer seulement, c'était une puissance, et je tirais un plaisir positif même de plusieurs sources très plausibles de peine. Chaque chose m'inspirait un intérêt calme, mais plein de curiosité. Un cigare à la bouche, un journal sur mes genoux, je m'étais amusée, pendant la plus grande partie de l'après-midi, tantôt à regarder attentivement les annonces, tantôt à observer la société mêlée du salon, tantôt à regarder dans la rue à travers les vitres voilées par la fumée. Cette rue est une des principales artères de la ville, et elle avait été pleine de monde toute la journée. Mais à la tombée de la nuit, la foule s'accrut de minute en minute, et quand tous les réverbères furent allumés, deux courants de population s'écoulaient, épais et continus, devant la porte. Je ne m'étais jamais sentie dans une situation semblable à celle où je me trouvais en ce moment particulier de la soirée. Et ce tumultueux océan de têtes humaines me remplissait d'une délicieuse émotion toute nouvelle. À la longue, je ne fis plus aucune attention aux choses qui se passaient dans l'hôtel, et je m'absorbais dans la contemplation de la scène du dehors. Mes observations prirent d'abord un tour abstrait et généralisateur. Je regardais les passants par masse, et ma pensée ne les considérait que dans leur rapport collectif. Bientôt, cependant, je descendis aux détails, et j'examinai avec un intérêt minutieux les innombrables variétés de figures, de toilettes, d'air, de démarches, de visages et d'expressions physionomiques. Edgar Allan Poe, fasciné par l'exercice physionomiste, essayer de classer les gens qu'il voit dans la rue, c'est peut-être une manière de s'extraire un peu, même si on n'y arrive jamais. D'ailleurs, il faut quand même préciser que dans cette nouvelle, il va finir par suivre un vieillard, un vieil homme, qui va partout dans les rues, il le suit, il se demande ce qu'il va chercher, et en fait, il ne cherche rien. Il n'y a rien à chercher, rien à sauver. C'est un homme des foules, ce vieillard, et finalement, il n'y a rien à garder, il n'y a pas de joyau à trouver. Jacques-Olivier Bégaud. Vous avez tout dit. Ce qui est fascinant dans ce texte, alors Baudelaire l'a traduit sous le titre « L'homme des foules ». Le mot « crowd » en anglais, le mot de Poe, est au singulier. Donc Baudelaire introduit une sorte de distinction, peut-être justement pour évoquer les deux temps de ce récit. Un moment justement qui correspond à l'ouverture qu'on a entendue, une ouverture dans laquelle s'exerce finalement cette capacité de déchiffrement ou de décryptage des moindres détails de l'apparence vestimentaire de tel individu dont on va pouvoir deviner qu'il exerce telle profession, qu'il se rend à tel rendez-vous ou se livre à telle ou telle occupation. Et puis, cette espèce de scène incroyable de filature dans laquelle le narrateur s'engage à la suite de ce vieillard qui, justement, résiste au départ à toute forme de décryptage. C'est le philosophe ? Alors, le mot de l'énigme qui relance, au fond, la difficulté, c'est la fin du récit de Poe. C'est donc un moment où, finalement, les deux personnages, le poursuivant et puis le personnage qui a été pris en filature, se croient, leurs regards se croisent, et puis il ne se passe rien. Et la conclusion, c'est cet homme, ce vieillard que j'ai poursuivi par les rues de Londres pendant des heures, il est l'homme des foules. C'est comme ça que Baudelaire traduit, et le texte de Poe se termine en disant finalement ce type humain est illisible. Merci pour cette analyse de cette ligne Edgar Poe, Baudelaire, Benjamin. Je crois qu'on a pu en dire pas mal de choses et nous allons finir sur une chanson qui est un hommage à la figure de la prostituée si chère à Baudelaire et aussi à Benjamin. Le soir, seul dans Paris. Mes amis sont partis, je traîne, je m'emmerde. La pluie, Paris, la pluie. Aurait pu draguer, ramer, boîte de nuit, boîte Afrique, boîte de concert, boîte de con, à lui, pas question. Puis j'ai pas la clé. Puis de toute façon, je suis déjà beurré. Alors je vais me mettre de bonne humeur, voilà. Et pour ça, il faudrait que je cherche encore une fille qui voudrait bien de moi ce soir un quart d'heure. Bon, ben, il n'y a qu'une solution, alors, au bois, tout de suite au bois. Facilité de paiement, crédit total. Voyons. Les contrées de l'avenue Foch, les quartiers chics, c'est là qu'il y en a le plus. Il y a même des Espagnols, c'est vous dire. Des anciennes bonnes, ou alors toujours des bonnes. Avec elles, il faut payer franco. Ah, l'Espagne, franco, le pays de l'honneur, des taureaux, des guitares, où le gui, c'est bonheur. Mais la tare, c'est franco, c'est bien connu. Avenue du Bois. En voilà deux blondes. Je m'arrête, je baisse la vitre. À grande approche, il lui manque une dent. Souvenir d'un légionnaire dans les fossés de Vincennes. Allez, en stage à Saint-Claude. Je me demande combien, enfin combien elle me doit, même pas deux cons. Et je démarre, il pleut toujours. Tiens, deux autres encore, une brune, une blonde. Oh, c'est des travaux. La blonde a des beaux seins qui ont vieux chien. Quand j'étais petit, ils me faisaient peur les travestis. Maintenant, ils me font rire. Surtout à 6h du matin, en collant et mini-jupe, avec leur barbe mauve qui pousse, le rouge à lèvres délavé et la perruque de travers. boitant sur leurs talons orthopédiques. Ah, le monde se trouve petit, monsieur. Il monte sur quelque chose pour grandir. Et je démarre. Cherche encore une fille qui voudrait bien de moi ce soir à quart d'heure. C'est Pierre Vassiliou. Une chanson qui s'appelle « Film » sur l'album qui est celui-là de 1974. Et pour tout vous dire, c'est une trouvaille que nous devons au réalisateur Riyad Kera, réalisateur de cette émission, qui a aussi prêté sa voix à Benjamin dans cette émission en lisant un de ses extraits tout à l'heure. Merci beaucoup Jacques-Olivier Bégaud et Thomas Benatouil. Vous nous avez énormément éclairé sur le rapport des philosophes à la ville et à la rue. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Il est temps de retrouver Frédéric Worms qui, cette semaine, nous parle du progrès. Sa question aujourd'hui est « Pourquoi les progrès sont-ils fragiles ?» Voici le pourquoi du comment. Pourquoi les progrès sont-ils fragiles ? On parle depuis plus d'un siècle, depuis 1908 très précisément, et un livre du philosophe Georges Sorel, on parle des illusions du progrès. Et même Raymond Aron, 50 ans plus tard environ, a repris le titre de Georges Sorel en intitulant l'un de ses livres « Les désillusions du progrès ». Mais que l'on parle des illusions ou des désillusions du progrès, c'est que d'une certaine manière, on croit qu'il y a eu à un certain moment donné une croyance dans un progrès, c'est-à-dire dans un passage du pire vers le meilleur, avec un acte et un critère déterminé dans un domaine, et peut-être dans l'histoire en général, une croyance donc à une progression, peut-être une progression générale de l'humanité, et que, ben, évidemment, une régression partielle ou totale, la redescente en quelque sorte du meilleur vers le moins bien, vers le pire, soit localement, soit globalement, nous fait dire, bien voilà, ce progrès, c'était une illusion. Et donc on passe de l'illusion aussi à la désillusion. Mais peut-être faut-il avoir conscience, non seulement que le mot progrès ne s'applique peut-être pas à tout, en tout cas pas à tout d'un coup, mais surtout que tout progrès a intrinsèquement une fragilité. Et pourquoi tout progrès serait-il fragile ? Pourquoi tout progrès serait-il menacé par une régression, comme le mot d'ailleurs semble le dire, puisque progredior en latin, c'est avancer, aller vers l'avant, et regredior, c'est avancer aussi, mais vers l'arrière, c'est-à-dire comme le progrès est un mouvement et non pas un état, une garantie, eh bien il peut y avoir en effet le mouvement en sens inverse. Mais si le progrès est fragile, c'est pour des raisons structurelles et il faut les déplier toutes. D'abord, n'importe quel progrès est forcément fragile, puisqu'un progrès, c'est toujours une lutte contre un adversaire. Un adversaire qui, justement, va dans le sens inverse du progrès. Ainsi, nous avons des progrès médicaux, mais d'un autre côté, le vieillissement nous entraîne irréversiblement vers la mort. Et les maladies peuvent les unes être vaincues, les autres apparaître. On a vaincu certaines pathologies, mais d'autres sont apparues, comme le virus du Covid, par exemple. Et là, on a cru à une régression générale, mais on a trouvé un vaccin qui, peut-être, n'empêchera pas le surgissement d'une autre maladie. Et ça n'est pas parce que l'adversaire est persistant que le progrès est une illusion. Ça n'est pas parce qu'il y a des régressions que tout progrès est illusoire. Et l'autre raison, peut-être encore plus profonde, c'est que finalement, pour parler de progrès, nous n'avons jamais seulement besoin d'une progression technique. Nous avons besoin d'une progression morale et politique. Notre véritable notion du progrès, c'est le progrès moral de l'humanité. Or, s'il y a une fragilité, s'il y a une polarité, s'il y a une ambivalence, s'il y a un lieu où il y a aussi des mouvements en sens inverse, c'est bien dans les relations humaines. Les relations humaines n'ont jamais de progrès garanti, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de critères du progrès. Au contraire, c'est parce que les régressions sont précises, constantes, pressantes, comme la haine, comme la guerre, comme la violation des droits fondamentaux, c'est parce que ces critères sont précis que les progrès peuvent l'être aussi. Et donc, si les ambivalences font que les progrès moraux sont les plus fragiles de tous et fragilisent tous les autres progrès, c'est justement parce que le progrès est d'autant plus nécessaire. Merci Frédéric Worms. On peut retrouver votre chronique, comme toutes nos émissions, en podcast sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Nicolas Bonnet. Elle a été préparée par toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Carla Michel, Marine Boudalier et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité !